D'après le journal d'internet sud-coréen Omae News, les habitants de la ville de Kimpson, province du Gyeongsang du Nord, ont tenu le 28 novembre un meeting à la bougie sur la place de la gare de Kimpson, à l'occasion du 100e jour de la demande de l'interdiction de la disposition de Saad et de la retraite de Bakune. Par ailleurs, les habitants de l'arrondissement de Songzhou aussi se sont réunis au rassemblement à la bougie, marquant le 136e jour contre la disposition de Saad des autorités.